إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المؤمنون روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك فقال صلى الله عليه وسلم دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام فكان النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام حين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وكان صلى الله عليه وسلم بشرى أخيه عيسى بن مريم عليه السلام حين قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وكان صلى الله عليه وسلم رؤيا أمه حين رأت في المنام قبل ولادته صلى الله عليه وسلم نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جعله الله سبحانه وتعالى سراجا منيرا استنارت به الأرض بعد ظلمتها وجمع الله به الأمة بعد شتاتها واهتدت به البشرية بعد ضلالها شاسر كتاب الله Craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran « Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. » Chers musulmans, l'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte dans son recueil Al-Musnad, selon Abu Umamah al-Bahili, radiallahu anhu, ce dernier a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô prophète d'Allah, quel était le début de ton histoire ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « L'invocation de mon père Ibrahim, l'annonce du Messie Isa et ma mère a vu en songe qu'une lumière sortait d'elle et cette même lumière était tellement forte qu'elle éclairait les palais de Shem. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc l'invocation de son père Ibrahim lorsqu'il a dit « Ô notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi certes le puissant, le sage. » Et il est également l'annonce de son frère Isa alayhi salam lorsqu'il a dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Et il fut le songe de sa mère lorsqu'elle vit en rêve, avant sa naissance, une lumière émanant d'elle et éclairant les palais de la province de Shem. C'est Mohammed, le fils de Abdullah, qui est le fils de Abdul Muttalib, qui est le fils de Hashim. Et Hashim fait partie de la tribu de Quraysh. Les Quraysh font partie des Arabes. Et les Arabes sont la descendance de Ismaïl, fils de Ibrahim, alayhi wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son prophète une lampe éclairante. Toute la terre a été éblouie après sa venue. La nation s'est rassemblée après avoir été divisée. Elle a été guidée après avoir été égarée. Ayyuha al-mu'minun. دخل الناس في دين الله أفواجا وقامت للإسلام دولته وعاش المسلمون في عصر النبوة حياة لم يسبق لها مثيل توحيد خالص لله وحده لا شريك له عدل وإنصاف وتحابب وتآخي واعتزاز وعزة وكرامة وهيبة في قلوب الأعداء وفي هذا الزمن أحب فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموه واقتدوا به حبا حقيقيا وليس ادعاء والأمثلة على ذلك كثيرة جدا منها إن المشركين قالوا لزيد بن الدثنة رضي الله عنه وقد أسروه وعذبوه عذابا شديدا يقول له أحدهم أتحب لو أن محمدا مكانك؟ فقال رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي فقال له أبو سفيان وكان حينئذ مشركا ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ثم قتل رضي الله عنه. Chers croyants, après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens se portaient en foule dans la religion d'Allah. Les musulmans ont créé leur état. Les musulmans ont vécu au siècle prophétique une vie sans précédent. Le tawhid sincère, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sans association, la justice et l'équité, l'amour et la fraternité, la force et la fierté, la puissance devant leur ennemi. À cette époque, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimaient le prophète d'un véritable amour, non pas d'un amour prétendu et menteur. Les exemples à cela sont très nombreux. Si on observe la vie des compagnons radiallahu anhu, on pourrait trouver beaucoup d'exemples montrant leur amour pour le prophète. À titre d'exemple, Zayd ibn Dathinna radiallahu anhu avait été fait prisonnier par les associateurs, puis fortement torturé. Et Abu Sufyan, qui était à l'époque associateur, avant qu'il rentre dans l'islam, est venu à lui et lui a dit « Oh Zayd, n'aurais-tu pas aimé que Mohammed soit à ta place » c'est-à-dire torturé et prisonnier. Zayd répondit alors « Wallahi, je ne veux pas que Mohammed, à l'endroit où il se trouve actuellement, soit égratigné par une seule épine, alors que moi je suis tranquille chez moi. » En entendant cela, Abu Sufyan dit alors « Je n'ai jamais vu personne aimer quelqu'un, comme même les compagnons de Mohammed, puis ils l'assassinèrent. » Ayyuha al-ikhwatul kiram. هكذا كان حب صحابته له صلى الله عليه وسلم وترجم ذلك الحب باتباعه واتباع سنته وتطبيق أوامره واجتناب نواهيه وعندما ضعف نور النبوة في حياة الأمة وقل تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها ضعف هذا التعظيم في حياة الأمة وحرفت محبة النبي صلى الله عليه وسلم حين حاول بعض الغيورين جهلا أو غفلة جبر هذا الضعف بإحداث بعض المظاهر والاحتفالات التي لم يعرفها ولم يقيمها خير من عظم المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الزمان أهمل العلماء وهمش دورهم كما هو حالتنا في هذا الزمان وأصبح أهل الجهل يسوقون الأمة لأن اليوم تاريخ اليوم هو يوم 11 من ربيع الأول إذن غدا هو اليوم 12 من ربيع الأول وهو الذي يحتفل فيه بعض المسلمين في شتى أقطار العالم بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، وسنرى في هذه الخطبة بعجالة حكم هذا الاحتفال. Chers frères et sœurs, voilà comment était l'amour des compagnons radiallahu anhum pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ont traduit cet amour en le suivant et en lui obéissant, en suivant sa voie, sa sunna, et en mettant en application ses ordres et en délaissant ses interdits. Puis le temps a passé, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mort de ses compagnons. Et l'amour du prophète a diminué dans les cœurs de la communauté. Et la communauté musulmane s'est éloignée du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce respect et cette admiration ont diminué dans leur cœur. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé également falsifié lorsque certains musulmans ignorants ont essayé de remédier à ce manque d'admiration en innovant des fêtes et des commémorations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pensant que cela était un signe d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout à des époques où le rôle des savants a été diminué et ces derniers ont été mis à l'écart, comme à notre époque. Nous disons cela car aujourd'hui nous sommes le 11 de Rabi, du mois de Rabi al-Awwal, et demain donc samedi 12 de Rabi al-Awwal, et c'est le jour pendant lequel certains musulmans célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous allons voir brièvement pendant ce discours quel est le statut de cela en islam. أيها الأحبة، إن احتفالات المولد النبوي على اختلاف مقاصد فاعليه لا يشك أي مسلم عاقل أنها بدعة في الدين محرمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود. أحدثت هذه البدعة في القرن الرابع الهجري، فقبل القرن الرابع الهجري لم يكن الناس يعرفون هذا الأمر تماما، لا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة. أحدثت هذه البدعة في القرن الرابع الهجري على يد الرافضة العبيديين، هم من الشيعة في مصر، حين بدأه المعز العبيدي وكان حاكم مصر حينئذ، وأحدث معه 5 مواليد أخرى لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، ومولدا لمن يحكم من العبيديين في كل وقت. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شأن العبيديين في كتابه منهاج السنة: وانقرض ملك هؤلاء في الديار المصرية 68 للهجرة، فملكوها أكثر من 200 سنة، وأخبارهم عن العلماء مشهورة بالإلحاد والمحادة لله ورسوله والردة والنفاق. هؤلاء العبيديون، الذي قال عنه الشيخ الإسلام أن أخبارهم عن العلماء مشهورة بالإلحاد والمحادة لله ورسوله والردة والنفاق. Chers musulmans, le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun musulman sensé ne doit douter sur le fait que c'est une innovation religieuse et donc de ce fait interdite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait souvent à ses compagnons: faites attention aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer, rapporté par Abu Daoud. C'est donc une innovation interdite qui a été innovée au 4e siècle de l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas cela, ni ses compagnons, ni ceux qui les ont suivis, ni l'a'imma al-arba'a, ni tous les savants de l'islam des premiers siècles. Par un groupe qui est appelé Al-Ubaydiyyin, qui faisait partie d'une secte, c'était une secte chiite qui gouvernait l'Égypte à l'époque. Al-Mu'izz Al-Ubaydi, qu'il était le dirigeant de l'époque, il avait décidé de célébrer 6 anniversaires. L'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui de Ali, celui de Fatima, celui de Hassan, celui de Hussein et du dirigeant en place. Pour savoir qui sont Al-Ubaydiyyin, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il nous dit dans son livre La Manhaj Sunna, il leur dit, leur royaume sur l'Égypte a pris fin en 568. Ils ont régné sur l'Égypte plus de 2 siècles et leur histoire est célèbre auprès des savants par l'athéisme, l'opposition à Allah et à son messager, l'apostasie et l'hypocrisie. Ummat al-Islam. Et à كذلك أن المؤرخين وعلماء السيرة النبوية قد اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل أنه ولد في شهر رمضان والجمهور على أنه ولد في شهر ربيع الأول ثم اختلف هؤلاء في تحديد يوم مولده صلى الله عليه وسلم على أقواله فقيل الثاني من ربيع الأول قال بذلك ابن عبد البر وقيل الثامن قال به ابن حزم وقيل التاسع قال به المبارك فوري صاحب كتاب الحديث المكتوب وقيل العاشر وقيل الثاني عشر وقيل غير ذلك إن هذا الاختلاف أيها الإخوة الكرام إن دل على شيء فإنما يدل على عدم حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم إلينا وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تاريخ مولده مما يدل أن معرفة تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني لهم شيئا كبيرا ولو كان في ذلك اليوم عبادة لكانت مشهورة معلومة لا يقع عليها خلاف ولنقل إلينا تاريخ مولده على وجه الدقة كما هو الشأن في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى فمن يحتفل لا يستطيع أن يجزم أنه أصاب يوم ولادته صلى الله عليه وسلم. Chers croyants, sachez également que les historiens et les savants de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم, علماء السيرة, divergent sur le mois pendant lequel le prophète صلى الله عليه وسلم est né. Certains ont dit qu'il est né pendant le mois de Ramadan. Mais malgré cela, la grande majorité dit qu'il est né pendant le mois de Rabi' al-Awwal, le mois pendant lequel nous sommes actuellement. Puis ces mêmes derniers qui ont dit qu'il est né pendant le mois de Rabi' al-Awwal, ils ont divergé sur le jour de sa naissance. Certains ont dit le 2, d'autres ont dit le 8, d'autres ont dit le 9, d'autres ont dit le 10, le 12, le 17, le 18, et d'autres avis également sont présents. Et cette divergence prouve que les compagnons n'ont porté aucune importance au fait de nous rapporter la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons n'ont pas posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa date de naissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il est né, il n'y avait personne qui notait les dates de naissance déjà. Jusqu'au siècle dernier, dans nos pays, les gens savaient juste l'année pendant laquelle ils étaient nés, ni le mois ni le jour. Comment voulez-vous qu'il y a 14 siècles, dans la péninsule arabique, les gens notent les dates de naissance des gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous dit, il dit « Wulidtu 'aam al-fil », je suis né l'année où il y a eu l'événement de l'éléphant qui est cité dans Surat al-Fil. Et donc ce qui prouve également que le fait de connaître la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait que très peu d'importance pour les compagnons radiyallahu anhu. Et que s'il y avait quelconque fête ce jour-là ou autre chose, cela aurait été connu sans divergence et nous aurait été rapporté précisément comme c'est le cas pour les deux fêtes qui sont Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Personne ne diverge sur le fait que Eid al-Fitr c'est le premier jour de Shawwal et que Eid al-Adha c'est le 10e jour de Dhul-Hijja. Donc celui qui célèbre soi-disant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est même pas sûr de célébrer cela à la bonne date. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim aqul ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد عباد الله أما وفاته صلى الله عليه وسلم فقد توفي بشبه اتفاق بين العلماء يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول يعني غدا وعلى هذا يقال للمحتفلين بالمولد النبوي إن احتفالكم هذا في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول إساءة أدب وجفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم في الحقيقة يحتفلون في يوم موته صلى الله عليه وسلم وصاحب العقل السليم يدرك أن الفرح في ذلك اليوم بمولده صلى الله عليه وسلم ليس بأولى من الحزن على وفاته صلى الله عليه وسلم فإن الأمة الإسلامية ما أصيبت بأعظم من فقده صلى الله عليه وسلم دل على ذلك حديث ثابت الجمحي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب عنده رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير شخص رضي الله quant au décès du prophète صلى الله عليه وسلم les savants sont quasiment unanimes sur le fait que le prophète est décédé le lundi 12 de Rabi al-Awwal, c'est-à-dire demain. C'est pour cela qu'il faut dire aux gens qui, soi-disant, célèbrent la naissance du prophète, cette célébration le 12 de Rabi al-Awwal est un manque de respect au prophète et une rudesse envers lui, car ils ne font en fait que faire la fête le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout musulman sensé réalise que la joie à l'occasion de sa naissance n'est pas meilleure que la tristesse à l'occasion de sa mort. Car la nation musulmane n'a pas été éprouvée par une pire catastrophe que le décès de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon Sabit al-Jumari nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous est éprouvé par une épreuve, qu'il se rappelle son épreuve par ma mort, car c'est la pire des épreuves pour lui, rapporté par Imam al-Tabarani. Ayyuha al-Muslimun. Inna mahabbat al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam لا تتحقق بالاحتفال بمولده وإنما تتحقق بالعمل بالسنة وتقديم قوله على قول كل أحد وعدم رد شيء من أحاديثه صلى الله عليه وسلم والفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقتصر على يوم واحد بل هذا الفرح يجب أن يملأ كل لحظة من لحظات حياة المسلم فلا تقف الفرحة أمام يوم واحد بل نجعل لنا من كل يوم جديد التزاما أكثر بالسنة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله رواه مسلم شعر مسلمان L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas prouvé en célébrant sa naissance, mais elle est prouvée par la mise en pratique de sa sunnah, en faisant passer sa parole devant toute parole, en écoutant ses ahadiths et en ne les rejetant pas. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être une chose quotidienne dans la vie du musulman. Cela ne peut pas seulement se limiter à un seul jour dans l'année. Anas ibn Malik nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous ne serez véritablement croyant que lorsque vous m'aimerez plus que vos pères, plus que vos enfants et plus que tout le monde, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Abdullah ibn Hisham radiyallahu anhu nous dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il tenait Omar par la main et Omar lui a dit: ô messager d'Allah, je jure que tu es la personne que j'aime le plus que tout à part ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua: non Omar, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il est indispensable que tu m'aimes plus que ta propre personne. C'est alors que Omar répondit: par Allah, tu es certes, ô messager d'Allah, la personne que j'aime plus que ma propre personne. Le prophète dit: ô Omar, maintenant oui, c'est-à-dire tu crois vraiment. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Et Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les personnes de ma communauté qui m'aiment le plus, il n'a pas dit ce sont les gens qui fêtent ma naissance, parmi les personnes de ma communauté qui m'aiment le plus, des gens qui viendront après moi et qui désireront me voir, quand bien même ils sacrifieraient pour cela leur famille et leurs biens, rapporté par Muslim. Ayyuha al-ikhwatu al-kiram, qad yaqulu al-ba'd, nasma'u kathira min al-nas yutliqu 'ibarata al-bid'ati al-hasana. Al-bid'a al-hasana, alaysa al-ihtifalu bil-mawlidi minha? Al-jawab: inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam كان يكرر مرارا وتكرارا أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه أبو داود وقد سبق. فإذا كانت كل بدعة ضلالة، وكل كلمة كل من ألفاظ العموم، فكيف يقال بعد ذلك أن هناك في الإسلام بدعة حسنة؟ وكذلك يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من ابتدع في الدين بدعة محدثة فإن عمله حابط مردود عليه لا يقبله الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. فكيف يجوز بعد ذلك أن يقول شخص بجواز البدعة والعمل بها؟ إن المبتدع الذي يضيف إلى الدين ما ليس منه يلزم من فعله هذا أو من قوله هذا أن يزعم أن الدين بقي ناقصا من في أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء هو هذا المحتفي ليكمله من عندي. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد سبق أن ذكرنا أن الاحتفال بالمولد أحدث في القرن الرابع الهجري. وكذلك يلزم من إقرار البدعة اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا حاشا لله بهذه البدعة الحسنة، أو أنه قد علمها وكتمها وغش الأمة فلم يبلغها. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، قال ابن الماجشون: سمعت مالكا رضي الله عنه يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Chers serviteurs d'Allah, certains vont dire, nous entendons beaucoup de personnes dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises innovations. Donc les choses nouvelles dans la religion, les adorations nouvelles, il y en a des bonnes et des mauvaises. Et le fait de célébrer la naissance du prophète en est peut-être une bonne. La réponse est: le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait très très souvent à ses compagnons: toute chose nouvelle est toute innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mêle à l'enfer. Rapporté par Abu Daoud. Donc, si toute innovation, cool, toute veut dire les choses entièrement, toute innovation est un égarement, comment peut-on dire qu'il y a des bonnes innovations et des mauvaises? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous a informé que celui qui innove en religion, son acte sera nul, rejeté et non accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha nous dit, radiallahu anha, le prophète a dit, celui qui innove dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc comment peut-on se permettre de dire qu'il est permis d'innover en religion? Et celui qui innove en islam, cela signifie qu'il prétend que la religion était incomplète à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il vienne lui pour la compléter. Allah dit dans le Coran, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et cela veut également dire que la personne qui innove accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam de deux choses, ou bien de une parmi deux choses. Soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignorait le bon aspect de cette innovation, ou bien qu'il la connaissait mais l'a cachée et a été fraudeur envers sa communauté sallallahu alayhi wa sallam et ne l'aura pas transmis. C'est pour cela que Ibn Majishon nous dit, j'ai entendu l'imam Malik rahimahullah dire, celui qui introduit une innovation dans l'islam et qui la voit bonne, alors c'est qu'il croit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message, car Allah dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc ce qui ne faisait pas partie de la religion au temps du prophète ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. Pour finir, le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne veut pas seulement dire faire la fête, danser, faire à manger. Il faut que la personne passe le jour du 12 Rabiul Awwal comme tous les autres jours. On n'achète pas des vêtements aux enfants ce jour-là. On ne fait pas un plat spécial que l'on ne fait jamais à part ce jour-là. Car ceux-là sont des signes que la personne donne une importance à ce jour-là et ça rentre dans l'interdiction. Assalamu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون المسجد بأموالهم وبدعواتهم وبجهودهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي تجارتهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد الصلاة إلزموا أمكنتكم سنصلي على جنازة donc après la prière que chacun reste à sa place car nous allons prier sur une personne décédée وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين